Podcast. Le meilleur de la chanson française. Joint le ciel et fait bouger l'ordre éternel. Il est heureux, malheureux comme nous, cherche ce qu'il voudrait comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante, celui qui chante, retrouve la vie, retrouve le cri de l'enfant Dieu. Se sent grandi et sent sa force au bout des doigts. Il se cherche des raisons comme nous, se pose des questions comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante. We'll be right back. mais le sont mes devoirs. Et quand j'ai bien tout appris, elles viennent finir la nuit dans mon lit. Ouh, ouh, ouh, ouh. Maîtresse, oh ma maîtresse, ne touche pas à maîtresse. Je veux bien travailler en tout particulier, mais ne touche pas à maîtresse. Sur Chant de France, le meilleur de la chanson française.

heureuses encore les retrouver. Elles ont autour du corps de l'amour et de l'or que l'on peut jouer au dé. Elles ont au fond des yeux des rêves que l'on ignore. Quand vous dormez encore, quand l'aube les voit passer par deux, et moi je viens bien après l'aura. Quand le soleil monte à Saint-Jean, de l'aurore glissent leur corps dans des jeans usés. Ils passent des doigts nerveux dans leurs cheveux et s'en vont au dehors. Ils ont au fond des yeux les rêves des plus forts, les guerres qu'ils font encore. Quand l'aube les voit marcher par deux, et moi je viens bien après l'aura, quand le soleil monte à Saint-Jean, je voudrais leur dire que je t'aime encore, toi qui t'en vas tout le temps. De la chanson française. Love. t'es belle. Quand tu penses à moi. Le soleil déjà aide-moi. Le soleil est là, cache-toi dans mes bras. Le soleil déjà aide-moi. Le soleil est là, cache-toi dans mes bras. Dans mes bras. Et je me sens pas belle. Thank you. sur Chant de France, le meilleur de la chanson française. Chant de France.

je dois m'en aller. Je ne veux plus t'aimer. Et je dois m'en aller. Il faut tout oublier. Yes, I know. Yes, I know.

Vous écoutez Chant de France. Programmation spéciale, spéciale années 80. Yeah.

cette vie qui fait de nous des voyous. Danse avec les mots qui sont au fond de nous et la force qu'il y a dessous. Tape sur nos destins comme on tape sur un clou. Vas-y, venge-nous. Même si c'est de la musique, c'est tout. Tu prépares la fête comme on prépare la guerre. Pour exister, pas pour plaire. Ta violence refuse tout ce qui est écrit. On est vivant aujourd'hui. Et j'aime m'enfuir quand tu es

Les plus belles balades sont sur Chant de France, le meilleur de la chanson française. Chant de France. Je suis entré dans l'église, je n'y